Alexis Alexandrovitch n'avait rien trouvé d'inconvenant à ce que sa femme se fût entretenue avec Vronsky en tête-à-tête d'une façon un peu animée, mais il lui sembla que d'autres personnes avaient paru étonnées et il résolut d'en faire l'observation à Anna. Comme d'ordinaire, en rentrant chez lui, Alexis Alexandrovitch passa dans son cabinet, s'y installa dans son fauteuil, ouvrit son livre à l'endroit marqué par un couteau à papier et lut un article sur le papisme jusqu'à 1 h du matin. De temps en temps, il passait la main sur son front et secouait la tête comme pour en chasser une pensée importune. À l'heure habituelle, il fit sa toilette de nuit. Anna n'était pas encore rentrée. Son livre sous le bras, il se dirigea vers sa chambre. Mais au lieu de ses préoccupations ordinaires sur les affaires de son service, il pensa à sa femme et à l'impression désagréable qu'il avait éprouvée à son sujet. Incapable de se mettre au lit, il marcha de long en large, les bras derrière le dos, ne pouvant se résoudre à se coucher sans avoir mûrement réfléchi aux incidents de la soirée. Au premier abord, Alexis Alexandrovitch trouva simple et naturel d'adresser une observation à sa femme, mais en y réfléchissant, il lui sembla que ces incidents étaient d'une complication fâcheuse. Karénine n'était pas jaloux. Un mari, selon lui, offensait sa femme en lui témoignant de la jalousie. Mais pourquoi cette confiance en ce qui concernait sa jeune femme, et pourquoi lui devait-il être convaincu qu'elle l'aimerait toujours ? C'est qu'il ne se demandait pas. N'ayant jamais connu jusque-là ni soupçon ni doute, il se disait qu'il garderait une confiance entière. Pourtant, tout en demeurant dans ses sentiments, il se sentait en face d'une situation illogique et absurde qui le trouvait désarmé. Jusqu'ici, il ne s'était trouvé aux prises avec les difficultés de la vie que dans la sphère de son service officiel. L'impression qu'il éprouvait maintenant était celle d'un homme passant tranquillement sur un pont au-dessus d'un précipice et s'apercevant tout à coup que le pont est démonté et le gouffre béant sous ses pieds. Ce gouffre était pour lui la vie réelle et le pont, l'existence artificielle qu'il avait seul connue jusqu'à ce jour. L'idée que sa femme pût aimer un autre que lui le frappait pour la première fois et le terrifiait. Sans songer à se déshabiller, il continua à marcher d'un pas régulier sur le parquet sonore, traversant successivement la salle à manger éclairée d'une seule lampe, le salon obscur où un faible rayon de lumière tombait sur son grand portrait récemment peint, le boudoir de sa femme où brûlaient deux bougies au-dessus des bibelots coûteux de sa table à écrire et des portraits de ses parents et amis. Arrivé à la porte de la chambre à coucher, il retourna sur ses pas. De temps en temps, il s'arrêtait et se disait « Oui, il faut absolument couper court à tout cela, prendre un parti, lui dire ma manière de voir. Mais que lui dire et quel parti prendre ? Que s'est-il passé au bout du compte ? Rien. Elle a causé longtemps avec lui, mais avec qui une femme ne cause-t-elle pas dans le monde ? Me montrer jaloux pour si peu serait humiliant pour nous deux. » Mais ce raisonnement qui, au premier abord, lui avait paru concluant, lui semblait tout à coup sans valeur. De la porte de la chambre à coucher, il se dirigea vers la salle à manger, puis traversant le salon obscur, il crut entendre une voix lui murmurer « Puisque d'autres ont paru étonnés, c'est qu'il y a là quelque chose. Oui, il faut couper court à tout cela, prendre un parti, mais lequel ?» Ses pensées comme son corps décrivaient le même cercle et il ne rencontrait aucune idée nouvelle. Il s'en aperçut, passa la main sur son front et s'assit dans le boudoir. Là, en regardant la table à écrire d'Anna avec son buvard en malachite et un billet inachevé, ses pensées prirent un autre tour. Il pensa à elle, à ce qu'elle pouvait éprouver. Son imagination lui présenta la vie de sa femme, les besoins de son esprit et de son cœur, ses goûts, ses désirs, et l'idée qu'elle pouvait, qu'elle devait avoir une existence personnelle indépendante de la sienne le saisit si vivement qu'il s'empressa de la chasser. C'était le gouffre qu'il n'osait sonder du regard. Entrer par la réflexion et le sentiment dans l'âme d'autrui lui était une chose inconnue et lui paraissait dangereux. Et ce qu'il y a de plus terrible, pensa-t-il, c'est que cette inquiétude insensée me prend au moment de mettre la dernière main à mon œuvre, le projet qu'il voulait faire passer. Lorsqu'ai-je le plus besoin de toutes les forces de mon esprit, de tout mon calme? Mais que faire à cela? Je ne suis pas de ceux qui ne savent pas regarder leur mal en face. Il faut réfléchir, prendre un parti, et me délivrer de ce souci, dit-il à haute voix. Je ne me reconnais pas le droit de scruter mes sentiments, de m'immiscer en ce qui se passe ou ne se passe pas dans son âme à elle, mais c'est affaire de sa conscience et le domaine de la religion. Se dit-il, tout soulagé d'avoir trouvé une loi qu'il put appliquer aux circonstances qui venaient de surgir. Ainsi, continua-t-il, les questions relatives à ses sentiments sont des questions de conscience auxquelles je n'ai pas à toucher. Mon devoir se dessine clairement. Obligé, comme chef de famille, de la diriger, de lui indiquer les dangers que j'entrevois, responsable que je suis de sa conduite, je dois au besoin user de mes droits. Et Alexis Alexandrovitch fit mentalement un plan de ce qu'il devait dire à sa femme, tout en regrettant la nécessité d'employer son temps et ses forces intellectuelles à des affaires de ménage. Malgré lui, ce plan prit dans sa tête la forme nette, précise et logique d'un rapport. Je dois lui faire sentir ce qui suit. Premièrement, la signification et l'importance de l'opinion publique. Deuxièmement, le sens religieux du mariage. Troisièmement, les malheurs qui peuvent rejaillir sur son fils. Et quatrièmement, les malheurs qui peuvent l'atteindre elle-même. Et Alexis Alexandrovitch serra ses mains l'une contre l'autre en faisant craquer les jointures de ses doigts. Ce geste, une mauvaise habitude, le calmait et l'aidait à reprendre l'équilibre moral dont il avait si grand besoin. Un bruit de voiture se fit entendre devant la maison et Alexis Alexandrovitch s'arrêta au milieu de la salle à manger. Des pas de femme montaient l'escalier. Son discours, tout prêt, il resta là, debout, serrant ses doigts pour les faire craquer encore. Une jointure craqua. Quoique satisfait de son petit discours, il eut peur, la sentant venir, de ce qui allait se passer. Anna entra, jouant avec les glands de son bachik et la tête baissée. Son visage rayonnait, mais pas de joie. C'était plutôt le rayonnement terrible d'un incendie par une nuit obscure. Quand elle aperçut son mari, elle leva la tête et sourit comme si elle se fût éveillée. « Oh, tu n'es pas au lit, quel miracle !» dit-elle en se débarrassant de son bachik. Et sans s'arrêter, elle passa dans son cabinet de toilette, criant à son mari du seuil de la porte « Il est tard, Alexis Alexandrovitch !» « Anna, j'ai besoin de causer avec toi. »« Avec moi ?» dit-elle étonnée en entrant dans la salle et en le regardant. « Mais qu'y a-t-il ? À quel propos » demanda-t-elle en s'asseyant. « Eh bien, causons, puisque c'est si nécessaire, mais il vaudrait mieux dormir. » Anna disait ce qui lui venait à l'esprit, s'étonnant elle-même de mentir si facilement. Ses paroles étaient toutes naturelles. Elle semblait réellement avoir envie de dormir, mais elle se sentait soutenue, poussée par une force invisible et revêtue d'une impénétrable armure de mensonges. « Anna, il faut que je te mette sur tes gardes. »« Sur mes gardes, pourquoi ?» Elle le regarda si gaiement, si simplement, que pour quelqu'un qui ne l'eût pas connu comme son mari, le ton de sa voix aurait paru parfaitement normal. Mais pour lui, qui savait qu'il ne pouvait déroger à aucune de ses habitudes sans qu'elle lui en demandât la cause, qui savait que le premier mouvement d'Anna était toujours de lui communiquer ses plaisirs et ses peines, pour lui, le fait qu'elle ne voulût rien remarquer de son agitation ni parler d'elle-même était très significatif. Cette âme ouverte pour lui autrefois lui semblait maintenant close. Il sentait même au ton qu'elle prenait qu'elle ne le dissimulait pas et qu'elle disait ouvertement « Oui, c'est ainsi que cela doit être et que cela sera désormais. » Il se fit l'effet d'un homme qui rentrerait chez lui pour trouver sa maison barricadée. Peut-être la clé se retrouvera-t-elle encore, pensa Alexis Alexandrovitch. Je veux te mettre en garde, dit-il d'une voix calme, contre l'interprétation qu'on peut donner dans le monde à ton imprudence et à ton étourderie. Ta conversation trop animée ce soir avec le comte Vronsky, il prononça ce nom lentement et avec fermeté, a attiré sur toi l'attention. Il parlait en regardant les yeux rieurs mais impénétrables d'Anna, et tout en parlant sentait avec terreur que ses paroles étaient inutiles et oiseuses. « Mais tu es toujours ainsi, dit-elle, comme si elle n'y comprenait absolument rien et n'attachait d'importance qu'à une partie de la phrase. Tantôt il t'est désagréable que je m'ennuie et tantôt que je m'amuse. Je ne me suis pas ennuyé ce soir, cela te blesse ?» Alexis Alexandrovitch tressaillit. Il serra encore ses mains pour les faire craquer. « Oh, je t'en supplie, laisse tes mains tranquilles. Je déteste cela, dit-elle. « Anna, est-ce bien toi ?» dit Alexis Alexandrovitch en faisant doucement un effort sur lui-même pour arrêter le mouvement de ses mains. « Mais enfin, qu'y a-t-il » demanda-t-elle avec un étonnement sincère et presque comique. « Mais que veux-tu de moi ?» Alexis Alexandrovitch se tut et passa la main sur son front et ses paupières. Il sentait qu'au lieu d'avertir sa femme de ses erreurs aux yeux du monde, il s'inquiétait malgré lui de ce qui se passait dans la conscience de celle-ci et se heurtait peut-être à un obstacle imaginaire. « Voici ce que je voulais te dire, reprit-il froidement et tranquillement, et je te prie de m'écouter jusqu'au bout. Je considère... Tu le sais, la jalousie comme un sentiment blessant et humiliant auquel je ne me laisserai jamais entraîner. Mais il y a certaines barrières sociales qu'on ne franchit pas impunément. Aujourd'hui, à en juger par l'impression que tu as produite, ce n'est pas moi, c'est tout le monde qui l'a remarqué. Tu n'as pas eu une tenue convenable. Oh, décidément, je n'y suis plus, dit Anna en haussant les épaules. « Cela lui est parfaitement égal, pensa-t-elle, il ne redoute que les observations du monde. « Tu es malade, Alexis Alexandrovitch, » ajouta-t-elle en se levant pour s'en aller, mais il l'arrêta en s'avançant vers elle. Jamais Anna ne lui avait vu une physionomie si sombre et si déplaisante. Elle resta debout, baissant la tête de côté pour retirer d'une main agile les épingles à cheveux de sa coiffure. « Eh bien, j'écoute, » dit-elle tranquillement d'un ton moqueur. « J'écouterai même avec intérêt parce que je voudrais comprendre de quoi il s'agit. » Elle s'étonnait elle-même du ton assuré et naturellement calme qu'elle prenait ainsi que du choix de ses mots. « Je n'ai pas le droit d'entrer dans tes sentiments. Je le crois inutile et même dangereux, » commença Alexis Andronksovitch. En creusant trop profondément dans nos âmes, nous risquons d'y toucher à ce qui pourrait passer inaperçu. Tes sentiments regardent ta conscience, mais je suis obligé, vis-à-vis de toi, de moi, de Dieu, de te rappeler tes devoirs. Nos vies sont unies, non par les hommes, mais par Dieu. Un crime seul peut rompre ce lien, et un crime semblable entraîne après lui sa punition. Je n'y comprends rien, et bon Dieu que j'ai sommeil. Pour mon malheur, dit Anna en continuant à défaire ses cheveux et à retirer les dernières épingles. Anna, au nom du ciel, ne parle pas ainsi, dit-il doucement. Je me trompe peut-être, mais crois bien que ce que je dis est autant pour toi que pour moi. Je suis ton mari et je t'aime. Le visage d'Anna s'assombrit un moment et l'éclair moqueur de ses yeux s'éteignit. Mais le mot aimer l'irrita. Aimer, pensa-t-elle, sait-il seulement ce que c'est? Est-ce qu'il peut aimer? S'il n'avait pas entendu parler d'amour, il aurait toujours ignoré ce mot. Mais Alexis Alexandrovitch, je ne te comprends vraiment pas, dit-elle. Explique-moi ce que tu trouves. Permets-moi d'achever. Je t'aime, mais je ne parle pas pour moi. Les principaux intéressés sont ton fils et toi-même. Il est fort possible, je le répète, que mes paroles te semblent inutiles et déplacées. Peut-être sont-elles le résultat d'une erreur de ma part. Dans ce cas, je te prie de m'excuser. Mais si tu sens toi-même qu'il y a un fondement quelconque à mes observations, je te supplie d'y réfléchir. Et si le cœur t'en dit, de t'ouvrir à moi. Alexis Alexandrovitch, sans le remarquer, disait tout autre chose que ce qu'il avait préparé. Bon, « Je n'ai rien à te dire. » Et, ajouta-t-elle vivement, en dissimulant avec peine un sourire, « il est vraiment temps de dormir. » Alexis Alexandrovitch soupira et, sans rien ajouter, se dirigea vers sa chambre à coucher. Quand elle y entra à son tour, il était couché. Ses lèvres étaient serrées d'un air sévère et ses yeux ne la regardaient pas. Anna se coucha, croyant toujours qu'il lui parlerait. Elle le craignait et le désirait tout à la fois, mais il se tut. Elle attendit longtemps sans bouger et finit par l'oublier. Elle pensait à un autre dont l'image remplissait son cœur d'émotion et de joie coupable. Tout à coup, elle entendit un ronflement régulier et calme. Alexis Alexandrovitch sembla s'en effrayer lui-même et s'arrêta. Mais au bout d'un instant, le ronflement retentit de nouveau, tranquille et régulier. « trop tard, » pensa-t-elle avec un sourire. Elle resta longtemps ainsi, immobile, les yeux ouverts, et croyant les sentir briller dans l'obscurité. À partir de cette soirée, une vie nouvelle commença pour Alexis Alexandrovitch et sa femme. Rien de particulier en apparence. Anna continuait à aller dans le monde, surtout chez la princesse Betsy, et à rencontrer Vronsky partout. Alexis Alexandrovitch s'en apercevait sans pouvoir l'empêcher. À chacune de ses tentatives d'explication, elle opposait un étonnement rieur absolument impénétrable. Rien n'était changé extérieurement, mais leur rapport l'était du tout au tout. Alexis Alexandrovitch, si fort quand il s'agissait des affaires de l'État, se sentait ici impuissant. Il attendait le coup final, la tête baissée et résigné comme un bœuf à l'abattoir. Lorsque ses pensées lui revenaient, il se disait qu'il fallait essayer encore une fois ce que la bonté, la tendresse, le raisonnement pourraient pour nous sauver Anna et la ramener. Chaque jour, il se proposait de lui parler, mais aussitôt qu'il tentait de le faire, le même esprit de mal et de mensonge qui la possédait s'emparait également de lui et il parlait autrement qu'il n'aurait voulu le faire. Involontairement, il reprenait un ton de persiflage et semblait se moquer de ceux qui auraient parlé comme lui. Ce n'était pas sur ce ton-là que les choses qu'il avait à dire pouvaient être exprimées. Ce qui, pour Vronsky, avait été pendant près d'un an le but unique et suprême de la vie, et pour Anna un rêve de bonheur, d'autant plus enchanteur, qui lui paraissait invraisemblable et terrible, s'était réalisé. Pâle et tremblant, il était debout près d'elle et la suppliait de se calmer sans savoir comment et pourquoi. Anna, Anna, disait-il d'une voix émue, Anna, au nom du ciel. Mais plus il élevait la voix, plus elle baissait la tête. Cette tête, jadis si fière et si gaie, maintenant si humiliée, elle l'aurait abaissée jusqu'à terre, du divan où elle était assise, et serait tombée sur le tapis s'il ne l'avait soutenue. « Mon Dieu, pardonne-moi, » sanglotait-elle en lui serrant la main contre sa poitrine. Elle se trouvait si criminelle et si coupable qu'il ne lui restait plus qu'à s'humilier et à demander grâce, et c'était de lui qu'elle implorait son pardon, n'ayant plus que lui au monde. En le regardant, son abaissement lui apparaissait d'une façon si palpable qu'elle ne pouvait prononcer d'autres paroles. Quant à lui, il se sentait pareil à un assassin devant le corps inanimé de sa victime. Le corps immolé par eux, c'était leur amour, la première phase de leur amour. Il y avait quelque chose de terrible et d'odieux au souvenir de ce qu'ils avaient payé du prix de leur honte. Le sentiment de la déchéance morale qui écrasait Anna s'empara de Vronsky. Mais, quelle que soit l'horreur du meurtrier devant le cadavre de sa victime, il faut le cacher et profiter au moins du crime commis. Et tel que le coupable qui se jette sur le cadavre avec rage et l'entraîne pour le mettre en pièces, lui, il couvrait de baisers la tête et les épaules de son amie. Elle lui tenait la main et ne bougeait pas. Oui, ces baisers, elle les avait achetés au prix de son honneur, et cette main qui lui appartenait pour toujours était celle de son complice. Elle souleva cette main et la baisa. Vronsky tomba à ses genoux, cherchant à voir ce visage qu'elle cachait sans vouloir parler. Enfin, elle se leva avec effort et le repoussa. « Tout est fini. Il ne me reste plus que toi, ne l'oublie pas. Comment oublierai-je ce qui fait ma vie pour un instant de ce bonheur ? Mais quel bonheur » cria-t-elle avec un sentiment de dégoût et de terreur, si profond qu'elle lui communiqua cette terreur. « Oh, nom du ciel, pas un mot de plus !» Elle se leva vivement et s'éloigna de lui. « Pas un mot de plus » répétait-elle, avec une morne expression de désespoir qui le frappa étrangement, et elle sortit. Au début de cette vie nouvelle, Anna sentait l'impossibilité d'exprimer la honte, la fraîcheur, la joie qu'elle éprouvait. Plutôt que de rendre sa pensée par des paroles insuffisantes ou banales, elle préférait se taire. Plus tard, les mots propres à définir la complexité de ses sentiments ne lui vinrent pas davantage. Ses pensées même ne traduisaient pas les impressions de son âme. « Non, disait-elle, je ne puis réfléchir à tout cela maintenant. Plus tard, quand je serai plus calme. » Mais ce calme de l'esprit ne se produisait pas. Chaque fois que l'idée lui revenait de ce qui avait eu lieu, de ce qui arriverait encore, de ce qu'elle deviendrait, elle se sentait prise de peur et repoussait ses pensées. « plus tard, répétait-elle, quand je serai plus calme. » En revanche, quand, pendant son sommeil, elle perdait tout empire sur ses réflexions, sa situation lui apparaissait dans son affreuse réalité. Presque chaque nuit, elle faisait le même rêve. Elle rêvait que tous deux étaient ses maris et se partageaient ses caresses. Alexis Alexandrovitch pleurait en lui baisant les mains et en disant « Que nous sommes heureux maintenant !» Et Alexis Vronsky, lui aussi, était son mari. Elle s'étonnait d'avoir cru que ce fût impossible, riait en leur expliquant que tout allait se simplifier et que tous deux, désormais, seraient contents et heureux. Mais ce rêve l'oppressait comme un cauchemar, et elle se réveillait épouvantée. Dès les premiers temps qui suivirent son retour de Moscou, chaque fois qu'il arrivait à Lévin de rougir et de tressaillir en se rappelant la honte du refus qu'il avait essuyé, il se disait « Oh, c'est ainsi que je souffrais et que je me croyais un homme perdu lorsque j'ai manqué mon examen physique, puis lorsque j'ai compromis l'affaire de ma sœur qui m'avait été confiée. Et maintenant ?» Maintenant, les années ont passé et je me rappelle ces désespoirs avec étonnement. Il en sera de même de ma douleur d'aujourd'hui. Le temps passera et j'y deviendrai indifférent. Mais 3 mois s'écoulèrent et l'indifférence ne venait pas. Et comme au premier jour, ce souvenir lui restait une souffrance. Ce qui le troublait, c'est qu'après avoir tant rêvé la vie de famille, s'y être cru si bien préparé, non seulement il ne s'était pas marié, mais il se trouvait plus loin que jamais du mariage. C'était d'une façon presque maladive qu'il sentait, comme tous ceux qui l'entouraient, qu'il n'est pas bon à l'homme de vivre seul. Il se rappelait qu'avant son départ pour Moscou, il avait dit une fois à son vacher Nicolas, un paysan naïf avec lequel il causait volontiers: Sais-tu, Nicolas, j'ai envie de me marier. Sur quoi Nicolas avait aussitôt répondu sans hésitation: Oui, il y a longtemps que ça devrait être fait, Constantin Dimitritch. Et jamais il n'avait été si éloigné du mariage. C'est que la place était prise, et s'il lui arrivait de songer à quelque jeune fille de sa connaissance, il sentait l'impossibilité de remplacer Kitty dans son cœur. Les souvenirs du passé le tourmentaient d'ailleurs encore. Il avait beau se dire qu'après tout, il n'avait commis aucun crime, il rougissait de ses souvenirs à l'égal de ceux qui lui semblaient les plus honteux dans sa vie. Le sentiment de son humiliation, si peu grave qu'elle fût, pesait beaucoup plus sur sa conscience qu'aucune des mauvaises actions de son passé. C'était une blessure qui ne voulait pas se cicatriser. Le temps et le travail firent cependant leur œuvre. Les impressions pénibles furent peu à peu effacées par les événements importants, malgré leur apparence modeste, de la vie de campagne. Chaque semaine emporta quelque chose du souvenir de Kitty. Il en vint même à attendre avec impatience la nouvelle de son mariage, espérant que cette nouvelle le guérirait à la façon d'une dent qu'on arrache. Le printemps arriva, beau, amical, sans traîtrise ni fausse promesse, un de ces printemps dont se réjouissent les plantes et les animaux aussi bien que les hommes. Cette saison splendide donna à Lévine une nouvelle ardeur. Elle confirma sa résolution de s'arracher au passé pour organiser sa vie solitaire dans des conditions de fixité et d'indépendance. Les plans qu'il avait formés en rentrant à la campagne n'avaient pas tous été réalisés, mais le point essentiel, la chasteté de sa vie, n'avait reçu aucune atteinte. Il osait regarder ce qui l'entourait sans que la honte d'une chute l'humiliât dans sa propre estime. Vers le mois de février, Maria Nikolaevna lui avait écrit pour lui dire que l'état de son frère empirait sans qu'il fût possible de le déterminer à se soigner. Cette lettre le fit immédiatement partir pour Moscou, où il décida Nicolas à consulter un médecin, puis à aller prendre les eaux à l'étranger. Il lui fit même accepter un prêt d'argent pour son voyage. Sous ce rapport, il pouvait donc être content de lui-même. En dehors de son exploitation et de ses lectures habituelles, Lévin entreprit pendant l'hiver une étude sur l'économie rurale, étude sur laquelle il partait de cette donnée que les tempéraments du travailleur est un fait aussi absolu que le climat et la nature du sol. La science agronomique, selon lui, devait tenir compte au même degré de ces 3 éléments. Sa vie fut donc très remplie, malgré sa solitude. La seule chose qui lui manqua fut la possibilité de communiquer les idées qui se déroulaient dans sa tête à d'autres qu'à sa vieille bonne. Aussi avait-il fini par raisonner avec celle-ci sur la physique, les théories d'économie rurale et surtout sur la philosophie, car c'était le sujet favori d'Agathe Mikhaïlovna. Le printemps fut assez tardif. Pendant les dernières semaines du carême, le temps fut clair mais froid. Quoique le soleil amenât pendant le jour un certain dégel, il y avait au moins 7 degrés la nuit. La croûte que la gelée formait sur la neige était si dure qu'il n'y avait plus de route tracée. Le jour de Pâques se passa dans la neige. Tout à coup, le lendemain, un vent chaud s'éleva, les nuages s'amoncelèrent, Et pendant 3 jours et 3 nuits, une pluie tiède et orageuse ne cessa de tomber. Le vent se calma le jeudi, et il s'étendit alors sur la terre un brouillard épais et gris, comme pour cacher les mystères qui accomplissaient dans la nature. Les glaces qui craquaient et fondaient de toutes parts, les rivières en débâcle, les torrents dont les eaux écumeuses et troublées s'échappaient avec violence. Vers le soir, on vit sur la colline rouge le brouillard se déchirer, les nuages se dissiper en moutons blancs, et le printemps, le vrai printemps, paraître éblouissant. Le lendemain matin, un soleil brillant acheva de fondre les légères couches de glace qui restaient encore sur les eaux, et l'air tiède se remplit de vapeurs s'élevant de la terre. L'herbe ancienne prit aussitôt des teintes vertes, la nouvelle pointa dans le sol, semblable à des milliers de petites aiguilles, les bourgeons des bouleaux, des buissons de groseilliers et les boules de neige se gonflèrent de sève, et sur leurs branches ensoleillées, des essaims d'abeilles s'abattirent en bourdonnant. D'invisibles alouettes entonnaient leurs chants joyeux à la vue de la campagne débarrassée de neige. Les vanneaux semblaient pleurer leurs marais submergés par les eaux torrentielles. Les cigognes et les oies sauvages s'élevaient dans le ciel avec leurs cris printaniers. Les vaches, dont le poil ne repoussait qu'irrégulièrement et montrait çà et là des places pelées, beuglaient en quittant les étables. Autour des brebis à la toison pesante, les agneaux sautillaient gauchement. Les enfants couraient pieds nus le long des sentiers humides où s'imprimait la trace de leurs pas. Les paysannes babillaient gaiement sur le bord de l'étang, occupées à blanchir leurs toiles. De tous côtés retentissait la hache des paysans réparant leurs herses et leurs charrues. Le printemps était vraiment revenu. Pour la première fois, Lévi n'endossa pas sa pelisse, mais il vêtut plus légèrement et chaussé de ses grandes bottes, il sortit, enjambant les ruisseaux que le soleil rendait éblouissants, et posant le pied tantôt sur un débris de glace, tantôt dans une boue épaisse. Le printemps, c'est l'époque des projets et des plans. Lévi, en sortant, ne savait pas plus ce qu'il allait d'abord entreprendre que l'arbre ne devinait comment et dans quel sens s'étendraient les jeunes pousses et les jeunes branches enveloppées dans ses bourgeons. Mais il sentait que les plus beaux projets, les plans les plus sages, débordaient en lui. Il alla d'abord voir son bétail. On avait fait sortir les vaches. Elles se chauffaient au soleil en beuglant, comme pour implorer la grâce d'aller au champ. Lévi les connaissait toutes dans leurs moindres détails. Il les examina avec satisfaction et donna l'ordre au berger tout joyeux de les mener au pâturage et de faire sortir les veaux. Les vachères, ramassant leurs jupes et barbotant dans la boue, les pieds nus encore exempts de hâle, poursuivaient, une gaule en main, les veaux que le printemps grisait de joie et les empêchait de sortir de la cour. Les nouveau-nés de l'année étaient d'une beauté peu commune. Les plus âgés avaient déjà la taille d'une vache ordinaire, et la fille de Pava, âgée de 3 mois, était de la grandeur des génisses d'un an. Lévine les admira et donna l'ordre de sortir leurs auges et de leur apporter leur pidence de foin dehors, derrière les palissades portatives qui leur servaient d'enclos. Mais il se trouva que ces palissades, faites en automne, étaient en mauvais état, parce qu'on n'en avait pas eu besoin. Il fit chercher le charpentier qui devait être occupé à réparer la machine à battre. On ne le trouva pas là. Il raccommodait les herses qui auraient dû être réparées pendant le carême. Lévine fut contrarié. Toujours cette éternelle nonchalance, contre laquelle depuis si longtemps il luttait en vain. Les palissades, ainsi qu'il l'a pris, n'ayant pas servi pendant l'hiver, avaient été transportées dans l'écurie des ouvriers où, étant de construction légère, elles avaient été brisées. Quant aux herses et aux instruments aratoires qui auraient dû être réparés et mis en état durant les mois d'hiver, ce qui avait fait louer trois charpentiers, rien n'avait été fait. On réparait les herses au moment même où on allait en avoir besoin. Lévin fit chercher l'intendant, puis impatienté alla le chercher lui-même. L'intendant, rayonnant comme l'univers entier ce jour-là, vint à l'appel du maître, vêtu d'une petite touloupe garnie de boutons frisés, cassant une paille dans ses doigts. « Mais pourquoi le charpentier n'est-il pas à la machine ?»« Ben, c'est ce que je voulais dire, Constantin Dmitritch. Il faut réparer les herses, il va falloir labourer. »« Mais alors qu'avez-vous donc fait l'hiver ?»« Mais pourquoi faut-il un charpentier ?»« Où sont les palissades de l'enclos pour les veaux ?»« Ben, j'ai donné l'ordre de les remettre en place. Que voulez-vous qu'on fasse avec ce monde-là ?» répondit l'intendant en faisant un geste désespéré. Oh, ce n'est pas avec ce monde-là, mais avec l'intendant qu'il n'y a rien à faire, dit Lévin s'échauffant. Pourquoi vous pète-t-on? Cria-t-il. Mais, se rappelant à temps que les cris n'y feraient rien, il s'arrêta et se contenta de soupirer. Pourra-t-on semer? Demanda-t-il après un moment de silence. Oh, demain ou après-demain, on le pourra derrière tout le quino. Et le trèfle? « Oh, j'ai envoyé Vassili et Mishka le semer, mais je ne sais pas s'ils y parviendront, le sol est encore trop détrompé. »« Sur combien de dessiatines ?»« 6 !»« Pourquoi pas partout ?» cria Lévin en colère. Il était furieux d'apprendre qu'au lieu de 24 dessiatines, on n'en ensemençait que 6. Sa propre expérience, aussi bien que la théorie, l'avait convaincu de la nécessité de semer le trèfle aussitôt que possible, presque sur la neige. Et il n'y arrivait jamais. Oh, nous manquons d'ouvriers, que voulez-vous qu'on fasse de ces gens-là? 3 journaliers sont pas venus, et voilà, Simon. Ben, vous auriez mieux fait de ne pas les garder à décharger la paille. Ben, aussi, n'y sont-ils pas? Mais où sont-ils donc tous? Il y en a 5 à la compote, l'intendant voulait dire au compost. 4 à l'avoine cornue, pourvu qu'elle ne tourne pas, Constantin de Dmitritch. Pour Lévin, cela signifiait que l'avoine anglaise, destinée aux semences, était déjà tournée. Ils avaient encore enfreint ses ordres. Mais ne vous ai-je pas dit, pendant le carême, qu'il fallait poser des cheminées pour l'aérer? Cria-t-il. « Oh, vous inquiétez pas, nous ferons tout en son temps. » Lévin, furieux, fit un geste de mécontentement et alla examiner l'avoine dans son magasin à grains, puis il se rendit à l'écurie. L'avoine n'était pas encore gâtée, mais l'ouvrier la remuait à la pelle au lieu de la descendre simplement d'un étage à l'autre. Lévin prit 2 ouvriers pour les envoyer au trèfle, et peu à peu il se calma sur le compte de son intendant. D'ailleurs, il faisait si beau qu'on ne pouvait vraiment pas se mettre en colère. « Igliat !» cria-t-il à son cocher, qui, les manches retroussées, lavait la calèche près du puits. « Selle-moi un cheval. »« Lequel ?»« Colpic. » Pendant qu'on sellait son cheval, Lévin appela l'intendant qui allait et venait autour de lui afin de rentrer en grâce, et lui parla des travaux à exécuter pendant le printemps et de ses projets agronomiques. Il fallait transporter le fumier le plus tôt possible, de façon à terminer ce travail avant le premier fauchage. Il fallait labourer le champ le plus lointain, puis faire les foins à son compte, et ne pas faucher de moitié avec les paysans. L'intendant écoutait attentivement, de l'air d'un homme qui fait effort pour approuver les projets du maître. Il avait cette physionomie découragée et abattue que Lévin lui connaissait et qui l'irritait au plus haut point. « Oh, cela est bel et bon, semblait-il toujours dire, mais nous verrons ce que Dieu donnera. » Ce ton contrariait, désespérait presque Lévin, mais il était commun à tous les intendants qu'il avait eus à son service. Tous accueillaient ses projets du même air navré, aussi avait-il pris le parti de ne plus se fâcher. Il n'en mettait pas moins l'ardeur à lutter contre ce malheureux « ce que Dieu donnera » qu'il considérait comme une espèce de force élémentaire destinée à lui faire partout obstacle. Nous verrons si nous en aurons le temps, Constantin Dimitritch. Et pourquoi ne l'aurions-nous pas? Il nous faut louer 15 ouvriers de plus et il n'en vient pas. Aujourd'hui, il en est venu qui demande 70 roubles pour l'été. Lévine se tut. Toujours cette même pierre d'achoppement. Il savait que, quelque effort qu'on fît, jamais il n'était possible de louer plus de 37 ou 38 ouvriers à un prix normal. On arrivait quelquefois jusqu'à 40, pas au-delà. Mais il voulait encore essayer. Bon, vous voyez à Tsouri, à Tchefirovka. S'il n'en vient pas, il faut en chercher. Bon, renvoyez, j'en verrai bien, dit Vassili Fedorovitch d'un air accablé. Et puis voilà les chevaux qui sont bien faibles. Nous en rachèterons. Mais je sais, ajouta-t-il en riant, que vous ferez toujours aussi peu, aussi mal que possible. Au reste, je vous en préviens, je ne vous laisserai pas agir à votre guise cette année. Je ferai tout par moi-même. Ne dirait-on pas que vous dormez trop? Quant à nous, nous préférons travailler sous l'œil du maître. Ainsi, vous allez faire semer le trèfle. « J'irai voir moi-même, » dit-il en montant sur le petit cheval que le cocher venait de lui amener. « Vous passerez pas par les ruisseaux, Constantin Dimitritch, » cria le cocher. « Eh bien, j'irai par le bois. » Sur son petit cheval bien reposé, qui reniflait toutes les mares et qui tirait sur la bride dans sa joie de quitter l'écurie, Lévin sortit de la cour boueuse et partit en plein champ. L'impression joyeuse qu'il avait éprouvée à la maison ne fit qu'augmenter. L'amble de son excellent cheval le balançait doucement. Il buvait à longs traits l'air déjà tiède, mais encore imprégné d'une fraîcheur de neige, car il en restait les traces de place en place. Chacun de ces arbres, avec sa mousse renaissante et ses bourgeons prêts à s'épanouir, lui faisait plaisir à voir. En sortant du bois, l'étendue énorme des champs s'offrit à sa vue, semblable à un immense tapis de velours vert. Pas de parties mal emblavées ou défoncées à déplorer, mais par-ci par-là des lambeaux de neige dans les fossés. Il aperçut un cheval de paysan et un poulain piétinant un champ. Sans se fâcher, il ordonna à un paysan qui passait de les chasser. Il prit avec la même douceur la réponse niaise et ironique du paysan auquel il demanda « Eh bien, Ignate, sèmerons-nous bientôt ?»« Ah, il faut d'abord labourer, Constantin Dimitritch. » Plus il avançait, plus sa bonne humeur augmentait, plus ses plans agricoles semblaient se surpasser les uns les autres en sagesse. Protéger les champs du côté du midi par des plantations qui empêcheraient la neige de séjourner trop longtemps, diviser ses terres labourables en 9 parties, dont 6 seraient fumées et 3 consacrées à la culture fourragère, construire une vacherie dans la partie la plus éloignée du domaine et y creuser un étang, avoir des clôtures portatives pour le bétail afin d'utiliser l'engrais sur les prairies, arriver ainsi à cultiver 300 dessiatines de froment, 100 dessiatines de pommes de terre et 150 de trèfles sans épuiser la terre. Plongé dans ses réflexions et dirigeant prudemment son cheval de façon à ne pas endommager ses champs, il arriva jusqu'à l'endroit où les ouvriers semaient le trèfle. La télègue chargée de semences, au lieu d'être arrêtée à la limite du champ, avait labouré de ses roues le froment d'hiver que le cheval foulait des pieds. Les 2 ouvriers, assis au bord de la route, allumaient leurs pipes. La semence du trèfle, au lieu d'avoir été passée au crible, était jetée dans la télègue, mêlée à de la terre à l'état de petites mottes dures et sèches. En voyant venir le maître, l'ouvrier Vassili se dirigea vers la télègue et Mishka se mit à semer. Tout cela n'était pas dans l'ordre, mais Lévin se fâchait rarement contre ses ouvriers. Quand Vassili approcha, il lui ordonna de ramener le cheval de la télègue sur la route. « Cela ne fait rien, Barine, ça repoussera, » dit Vassili. Fais-moi le plaisir d'obéir sans raisonner, répondit Lévine. J'y vais, répondit Vassili, allant prendre le cheval par la tête. Quel semail, Constantin de Vlitrich, ajouta-t-il pour entrer en grâce. Oh, rien de plus beau, mais on n'avance pas facilement. La terre est si lourde qu'on traîne un pot à chaque pied. Et pourquoi le trèfle n'a-t-il point été criblé, demanda Lévine. Ça fait rien, ça s'arrangera, répondit Vassili, prenant des semences et les triturant dans ses mains. Vassili n'était pas le coupable, mais la contrariété n'en était pas moins vive pour le maître. Il descendit de cheval, prit le semoir des mains de Vassili et se mit à semer lui-même. « Où es-tu arrêté ?» Vassili indiqua l'endroit du pied et Lévine continua à semer de mieux qu'il put. Mais la terre était semblable à un marais et au bout de quelque temps il s'arrêta tout en nage pour rendre le semoir à l'ouvrier. « Le printemps est beau, » dit Vassili. « C'est un printemps que les anciens n'oublieront pas. Chez nous, notre vieux a aussi semé du froment. Il prétend qu'on ne le distingue pas du seigle. » « Y a-t-il longtemps qu'on sème du froment chez vous ?»« Mais c'est vous-même qui nous avez appris à en semer. L'an dernier, vous m'en avez donné deux mesures. » « Eh bien, fais attention, » dit Lévine, retournant à son cheval. « Surveille, Mishka, et si la semence lève bien, tu auras 50 kopecks par dessiatine. Bon, »« nous vous remercions humblement. Nous serions contents même sans cela. » Lévine remonta à cheval et alla visiter son champ de trèfle de l'année précédente, puis celui qu'on labourait pour le blé d'été. Le trèfle levait admirablement et le labour était excellent. Dans 2 ou 3 jours, les semailles pourraient commencer. Lévine, satisfait, revint par les ruisseaux, espérant que l'eau aurait baissé. Effectivement, il put les traverser, et au passage, il effraya 2 canards. « Il doit y avoir des bécasses, » pensa-t-il. Et un garde qu'il rencontra en approchant de la maison lui confirma cette supposition. Aussitôt, il hâta le pas de son cheval afin de rentrer dîner et de préparer son fusil pour le soir. Au moment où Lévine rentrait chez lui de la plus belle humeur du monde, il entendit un son de clochette du côté du perron d'entrée. « Quelqu'un arrive du chemin de fer, » pensa-t-il. « C'est l'heure du train de Moscou. Mais qui peut venir ? Serait-ce mon frère Nicolas ? Mais ne m'a-t-il pas dit qu'au lieu d'aller à l'étranger, il viendrait peut-être chez moi ?» Il eut peur un moment que cette arrivée l'interrompît ses plans de printemps, mais honteux de ce sentiment égoïste, il ouvrit aussitôt, dans sa pensée, les bras à son frère et se prit à espérer avec une joie attendrie que c'était bien lui que la clochette annonçait. Il pressa son cheval et, au tournant d'une haie d'acacia qui lui cachait la maison, il aperçut dans un traîneau de louage un voyageur en pelisse. Ce n'était pas son frère. Pourvu que ce soit quelqu'un avec qui l'on puisse causer, pensa-t-il. Mais, s'écria-t-il en reconnaissant Stepan Arkadievitch, c'est le plus aimable des autres. Oh, que je suis content de te voir. J'apprendrai certainement de lui si elle est mariée, se dit-il. Même le souvenir de Kitty ne lui faisait plus de mal par ce splendide jour de printemps. « Tu ne m'attendais guère, » dit Stepan Arkadievitch en sortant de son traîneau, la figure tachetée de boue mais rayonnante de santé et de plaisir. « Mais je suis venu, premièrement pour te voir, deuxièmement pour tirer un coup de fusil et troisièmement pour vendre le bois de Yergouchovo. » « Parfait, que dis-tu de ce printemps ? Comment as-tu pu arriver jusqu'ici en traîneau ?»« En télègue, c'est encore plus difficile, Constantin de Vlitrich, » dit le cocher, une vieille connaissance. « Enfin, je suis très heureux de te voir, » dit Lénine, en souriant avec une joie enfantine. Il mena son hôte dans la chambre destinée aux visiteurs, où l'on apporta aussitôt son bagage, un sac, un fusil dans sa gaine et une boîte de cigares. Lévin se rendit ensuite chez l'intendant pour lui faire des observations sur le trèfle et le labourage. Agathe Mikhailovna, qui avait à cœur l'honneur de la maison, l'arrêta au passage dans le vestibule pour lui adresser quelques questions au sujet du dîner. « En faites ce que vous voudrez, mais dépêchez-vous, » répondit-il en quittant son chemin. Quand il rentra, Stepan Arkadievitch, lavé, peigné, souriant, sortait de sa chambre. Ils montèrent ensemble au premier. « Que je suis donc content d'être parvenu jusqu'à toi. Je vais enfin être initié au mystère de ton existence. Vraiment, je te porte envie. Quelle maison, comme tout y est commode, clair, gai !» disait Stepan Arkadievitch, oubliant que les jours clairs et le printemps n'étaient pas toujours là. « Et ta vieille bonne, quelle brave femme ! Il ne manque qu'une jolie soubrette en tablier blanc, mais cela ne cadre pas avec ton style sévère et monastique. » Entre autres nouvelles intéressantes, Stepan Arkadievitch raconta à son hôte que Serge Ivanitch comptait venir à la campagne cette année. Il ne dit pas un mot des Cherbalski et se contenta de transmettre les amitiés de sa femme. Lévin apprécia cette délicatesse. Comme toujours, il avait amassé pendant sa solitude une foule d'idées et d'impressions qu'il ne pouvait communiquer à son entourage et qu'il versa dans le sein de Stepan Arkadievitch. Tout y passa, sa joie printanière, ses plans et ses devoirs agricoles, ses remarques sur les livres qu'il avait lus, et surtout l'idée fondamentale du travail qu'il avait entrepris d'écrire, lequel, sans qu'il s'en doutât, était la critique de tous les ouvrages d'économie rurale. Stepan Arkadievitch, aimable et prompt à tout saisir, se montra plus particulièrement cordial cette fois. Lévin crut même remarquer une certaine considération pour lui, qui le flatta, jointe à une nuance de tendresse. Les efforts réunis d'Agathe Mikhailovna et du cuisinier eurent pour résultat que les deux amis, mourant de faim, se jetèrent sur la zakouska en attendant la soupe, mangèrent du pain, du beurre, des salaisons, des champignons, et que Lévin fit enfin monter la soupe sans attendre les petits pâtés confectionnés par le cuisinier avec l'espoir d'éblouir leur hôte. Mais Stepan Arkadievitch, habitué à d'autres dîners, ne cessa de trouver tout excellent. Les liqueurs faites à la maison, le pain, le beurre, les salaisons, les champignons, la soupe aux orties, la poule à la sauce blanche, le vin de Crimée furent jugés délicieux. « Parfait, parfait !» dit-il en allumant une grosse cigarette après le rôti. « Je me fais l'effet d'avoir échappé aux secousses et au tapage d'un navire pour aborder sur une rive hospitalière. Ainsi, tu dis que l'élément représenté par le travailleur doit être étudié en dehors de tout autre et servir de guide dans le choix des procédés économiques ? Je suis un profane dans ces questions, mais il me semble que cette théorie et ses applications auront une influence sur le travailleur. Oui, mais attends, je ne parle pas d'économie politique, mais d'économie rurale, considérée comme une science. Il faut en étudier les données et les phénomènes, de même que pour les sciences naturelles, et l'ouvrier, au point de vue économique et ethnographique. Agathe Mikhailovna entra en ce moment avec des confitures. « Mes compliments, Agathe Mikhailovna !» dit Stepan Arkadievitch en baisant le bout de ses doigts potelés. « Quelle salaison et quelle liqueur ! Eh bien, Kostia, n'est-il pas temps de partir » ajouta-t-il. Lévin jeta un regard par la fenêtre sur le soleil qui disparaissait derrière la cime encore dénudée des arbres. « Il en est temps !» « Kouzma, qu'on a-t-elle » cria-t-il, descendant l'escalier en courant. Stepan Arkadievitch descendit aussi et alla soigneusement retirer lui-même son fusil de sa gaine. C'était une arme d'un modèle nouveau et coûteux. Kouchma, qui sentait venir un bon pourboire, ne le quittait pas. Il l'aida à mettre ses bas et ses bottes de chasse, et Stepan Arkadievitch se laissa faire avec complaisance. Si le marchand Lébédine vient en notre absence, fais-moi le plaisir, Kostia, de dire qu'on le reçoive et qu'on le fasse attendre. C'est à lui que tu vends ton bois? Oui, le connais-tu? Oh, certainement, j'ai eu affaire à lui positivement et définitivement. Stepan Arkadievitch se mit à rire. Positivement et définitivement étaient les mots favoris du marchand. Oui, il parle très drôlement. Elle comprend où va son maître, ajouta-t-il en caressant Laska, qui tournait en jappant autour de Lénine, lui léchant tantôt la main, tantôt la botte ou le fusil. Un petit équipage de chasse les attendait à la porte. J'ai fait atteler quoi que ce soit tout près d'ici, mais si tu le préfères, nous irons à pied. Oh, du tout. Je monte en la voiture, dit Stepan Arkadievitch en s'asseyant dans le char à banc. Il s'enveloppa les pieds d'un plan très tigré et alluma un cigare. Comment peux-tu te passer de fumer, Kostia? Le cigare, ce n'est pas seulement un plaisir, c'est comme le couronnement du bien-être. Voilà la vraie existence. C'est ainsi que je voudrais vivre. Mais qui t'en empêche? Dit Lévine en souriant. Oui, tu es un homme heureux, car tu possèdes tout ce que tu aimes. Tu aimes les chevaux, tu en as, des chiens, tu en as, ainsi qu'une belle chasse. Enfin, tu adores l'agronomie et tu peux t'en occuper. C'est peut-être que j'apprécie ce que je possède et ne désire pas trop vivement ce que je n'ai pas, répondit Lévine en pensant à Kitty. Stepan Arkadievitch le comprit, mais le regarda sans mot dire. Lévine lui était reconnaissant de n'avoir pas encore parlé des Cherbatsky et d'avoir deviné avec son tact ordinaire que c'était là un sujet qu'il redoutait. Mais en ce moment, il aurait voulu, sans faire de questions, savoir à quoi s'en tenir sur ce même sujet. « Comment vont tes affaires ?» dit-il enfin, se reprochant de ne penser qu'à ce qui l'intéressait personnellement. Les yeux de Stepan Arkadievitch s'allumèrent. « Oh, tu n'admets pas qu'on puisse dessirer du bain chaud quand on a sa portion congrue. Selon toi, c'est un crime, et moi, je n'admets pas qu'on puisse vivre sans amour, » répondit-il, ayant compris à sa façon la question de Lévine. « Je n'y puis rien, je suis ainsi fait. Et vraiment, quand on y songe, on fait si peu de tort à autrui et tant de plaisir à soi-même. » « Et quoi? Y aurait-il un nouvel objet ?» demanda son ami. « Oui, frère, oui, oui. Tu connais le type des femmes d'Ossian, ces femmes qu'on ne voit qu'en rêve. Eh bien, elles existent parfois en réalité, et sont alors terribles. La femme, vois-tu, c'est un thème inépuisable. On a beau l'étudier, on rencontre toujours du nouveau. Ben, « C'est pas la peine de l'étudier, alors. »« Oh, si! Je ne sais plus quel est le grand homme qui a dit que le bonheur consistait à chercher la vérité et non à la trouver. » Lévine écoutait sans rien dire, mais il avait beau faire, il ne pouvait entrer dans l'âme de son ami et comprendre le charme qu'il éprouvait à ce genre d'étude. L'endroit où Lévine conduisit Oblonsky était non loin de là, dans un petit bois de tremble. Il le posta dans un coin couvert de mousse et un peu marécageux, quoique débarrassé de neige. Quant à lui, il se plaça du côté opposé, près d'un bouleau double, appuya son fusil à une des branches inférieures, ôta son caftan, se serra une ceinture autour du corps et fit quelques mouvements de bras pour s'assurer que rien ne le gênerait pour tirer. La vieille Laska, qui le suivait pas à pas, s'assit avec précaution en face de lui et dressa les oreilles. Le soleil se couchait derrière le grand bois, et du côté du levant, les jeunes bouleaux mêlés aux trembles se dessinaient nettement, avec leurs branches tombantes et leurs bourgeons presque épanouis. dans le grand bois, là où la neige n'avait pas complètement disparu, on entendait l'eau s'écouler à petit bruit en nombreux ruisselets. Les oiseaux gazouillaient en voltigeant d'un arbre à l'autre. Par moments, le silence semblait complet. On entendait alors le bruissement des feuilles sèches, remuées par le dégel ou par l'herbe qui poussait. En vérité, on croit et l'on entend croître l'herbe, se dit Lévin, en remarquant une feuille de tremble humide et couleur d'ardoise que soulevait la pointe d'une herbe nouvelle sortant du sol. Il était debout, écoutant et regardant, tantôt la terre couverte de mousse, tantôt l'asca aux aguets, tantôt la cime encore dépouillée des arbres de la forêt, qui s'étendait comme une mer au pied de la colline, puis le ciel obscurci qui se couvrait de petits nuages blancs. Un vautour s'envola dans les airs, en agitant lentement ses ailes au-dessus de la forêt. Un autre prit la même direction et disparut. Dans le fourré, le gazouillement des oiseaux devint plus vif et plus animé. Un hibou éleva la voix au loin. L'asca dressa l'oreille, fit quelques pas avec prudence et pencha la tête pour mieux écouter. De l'autre côté de la rivière, un coucou poussa deux fois son petit cri, puis s'arrêta tout enroué. « Entends-tu déjà le coucou ?» dit Stepan Arkadievitch en quittant sa place. « Oui, j'entends, » dit Lévin, mécontent de rompre le silence. « Attention, maintenant, cela va commencer. » Stepan Arkadievitch retourna derrière son buisson et l'on ne vit plus que l'étincelle d'une allumette suivie de la petite lueur rouge de sa cigarette et une légère fumée bleuâtre. Tchic-tchic ! Stepan Arkadievitch armait son fusil. Qu'est-ce qui crie là ? Demanda-t-il en attirant l'attention de son compagnon sur un bruit sourd qui faisait penser à la voix d'un enfant s'amusant à imiter le hennissement d'un cheval. Ah, tu ne sais pas ce que c'est, mais c'est un lièvre mâle. Mais attention, ne parlons plus ! Cria presque Lévin en armant son fusil à son tour. Un sifflement se fit entendre dans le lointain, avec le rythme si connu du chasseur, et deux ou trois secondes après, ce sifflement se répéta et se changea en un petit cri enroué. Lévin leva les yeux à droite, à gauche, et vit enfin au-dessus de sa tête, dans le bleu un peu obscurci du ciel, au-dessus de la cime doucement balancée des trembles, un oiseau qui volait vers lui. Son cri, assez semblable au bruit que ferait une étoffe qu'on déchirait en mesure, lui résonna à l'oreille. Il distinguait déjà le long bec et le long cou de la bécasse. Mais à peine l'eut-il visé, qu'un éclair rouge brilla du buisson derrière lequel se tenait Oblomski. L'oiseau s'agita dans l'air comme frappé d'une flèche. Un second éclair, et l'oiseau, cherchant vainement à se rattraper, battit de l'aile pendant une seconde et tomba lourdement à terre. « Est-ce que je l'ai manqué ?» cria Stepan Arkadievitch, qui ne voyait rien à travers la fumée. « La voilà !» dit Lévin en montrant l'asca, une oreille en l'air, l'oiseau dans la gueule, remuant le bout de sa queue et rapportant lentement le gibier à son maître avec une espèce de sourire, comme pour faire durer le plaisir. « Oh, je suis bien aise que tu aies touché !» dit Lévin tout en éprouvant un certain sentiment d'envie. « Mon fusil a raté du canon droit. Vilaine affaire !» répondit Stepan Arkadievitch en rechargeant son arme. « Ah, en voilà encore une !» Effectivement, des sifflements se succédèrent, rapides et perçants. Deux bécasses volèrent au-dessus des chasseurs, se poursuivant l'une l'autre. Quatre coups partirent, et les bécasses, comme des hirondelles, tournèrent sur elles-mêmes et tombèrent. La chasse fut excellente. Stepan Arkadievitch tua encore deux pièces et Lévin également deux, dont l'une ne se retrouva pas. Le jour baissait de plus en plus. Vénus, à la lueur argentée, se montrait déjà au couchant, et au levant, Arcturus brillait de son feu rouge un peu sombre. Lévine apercevait par intervalles la grande ours. Les bécasses ne se montraient plus, mais Lévine résolut de les attendre jusqu'à ce que Vénus, qu'il distinguait entre les branches de son bouleau, s'élevât à l'horizon et que la grande ours fût entièrement visible. L'étoile avait dépassé les bouleaux et le char de la grande ours brillait déjà dans le ciel qui l'attendait encore. « N'est-il pas temps de rentrer ?» demanda Stepan Arkadievitch. Tout était calme dans la forêt, pas un oiseau n'y bougeait. « Attendons encore, » répondit Lévin. « Comme tu voudras. » Ils étaient en ce moment à 15 pas l'un de l'autre. « Stiva !» s'écria tout à coup Lévin. « Tu m'as pas dit si ta belle-sœur était mariée ou si le mariage était prêt de se faire. » Il se sentait si calme, son parti était si résolument pris que rien, croyait-il, ne pouvait l'émouvoir. Mais il ne s'attendait pas à la réponse de Stepan Arkadievitch. « Oh, elle n'est pas mariée et ne songe pas au mariage. Elle est très malade. » Et les médecins l'envoient à l'étranger, on craint même pour sa vie. « Que dis-tu là ?» cria Lévin, malade. « Mais qu'a-t-elle ? Comment ?» Pendant qu'ils causaient ainsi, Laska, les oreilles dressées, examinait le ciel au-dessus de sa tête et les regardait d'un air de reproche. « Ils ont bien choisi leur temps pour causer, » pensait Laska. « Voilà une qui vient, la voilà, juste, on l'a manqué. » Au même instant, un sifflement aigu perça les oreilles des deux chasseurs et tous deux, ajustant leurs fusils, tirèrent ensemble. Les deux coups, les deux éclairs furent simultanés. La bécasse battit de l'aile, plia ses pattes minces et tomba dans le fourré. « Ah, voilà qui est bien, ensemble !» s'écria Lévin, courant avec Laska à la recherche du gibier. « Qu'est-ce donc qui m'a fait tant de peine tout à l'heure ? Ah oui, alors Kitty est malade, se rappelait-il ? « Mais que faire? C'est triste. »« Je l'ai trouvée, bonne bête » fit-il en prenant l'oiseau de la gueule de Laska pour la mettre dans son carnier presque plein. En rentrant, Lévin questionna son ami sur la maladie de Kitty et les projets de Cherbatsky. Il entendit sans déplaisir les réponses d'Oblonsky, sentant, sans oser se l'avouer, qu'il lui restait un espoir quelconque et presque satisfait que celle qu'il avait fait tant souffrir souffrit à son tour. Mais quand Stepan Arkadievitch parla des causes de la maladie de Kitty et prononça le nom de Vronsky, il l'interrompit. Bon, « je n'ai aucun droit d'être initié à des secrets de famille auxquels je ne m'intéresse nullement. » Stepan Arkadievitch sourit imperceptiblement en remarquant la transformation soudaine de Lévin qui, en une seconde, avait passé de la gaieté à la tristesse, comme cela lui arrivait souvent. « As-tu conclu ton affaire avec Rébénine pour le bois ? » demanda-t-il. « Oui, il me donne un prix excellent, 38 000 roubles, dont 8 d'avance et le restant 6 ans. Oh, cela n'a pas été sans peine. » Personne ne m'en offrait davantage. Mais tu donnes ton bois pour rien, dit Lady d'un air sombre. Comment cela pour rien, dit Stepan Arkadievitch avec un sourire de bonne humeur, sachant d'avance que Lénine serait maintenant mécontent de tout. Mais ton bois vaut pour le moins 800 roubles la dessiatine. « Vous voilà bien, votre trop mébrisant, hein, vous autres grands agriculteurs, quand il s'agit de nous, pauvres diables de citadins. Et cependant, qu'il s'agisse de faire une affaire, nous nous en tirons encore mieux que vous. Crois-moi, je vais tout calculer. Le bois est vendu dans de très bonnes conditions, et je ne crains qu'une chose, c'est que le marchand ne se dédise. C'est du bois de chauffage. » Il n'y aura pas plus de 30 sagènes par dessiatine. Or, il m'en donne 200 roubles, la dessiatine. » Lévin sourit dédaigneusement. « Voilà le genre de ces messieurs de la ville, pensa-t-il, qui pour une fois en 10 ans qu'ils viennent à la campagne et pour 2 ou 3 mois, mots du vocabulaire campagnard qu'ils appliquent à tort et à travers, ils s'imaginent qu'ils connaissent le sujet à fond. Il y aura 30 sagesnes, mais ils parlent sans savoir un mot de ce qu'il avance. Je ne me permets pas de t'en remontrer quand il s'agit des paperasses de ton administration, dit-il, et si j'avais besoin de toi, je te demanderais conseil. Et toi, tu t'imagines comprendre la question des bois? Mais elle n'est pas si simple. D'abord, as-tu compté tes arbres? Comment cela, compter mes arbres? Dit en riant Stepan Arkadievitch, cherchant toujours à tirer son ami de son accès de mauvaise humeur. Comptez les sables de la mer, comptez les rayons des planètes, qu'un génie y parvienne. C'est bon, je te réponds que le génie de l'ébénine y parvient. Il n'y a pas de marchand qui achète sans compter, à moins qu'on ne lui donne le bois pour rien, comme toi. Je le connais, ton bois, j'y chasse tous les ans. Il vaut 500 roubles la dessiatine, argent comptant, tandis qu'il t'en offre 200 avec des échéances. Tu lui fais un cadeau de 35 000 roubles pour le moins. Laisse donc ces comptes imaginaires, dit plaintivement Stepan Arkadievitch. Pourquoi alors? Personne ne m'a-t-il offert ce prix-là? Parce que les marchands s'entendent entre eux et se dédommagent entre concurrents. Je connais tous ces gens-là. J'ai eu affaire à eux. Ce ne sont pas des marchands, mais des revendeurs, à la façon des maquignons. Aucun d'eux ne se contente d'un bénéfice de 10 ou 15%. Il attendra jusqu'à ce qu'il puisse acheter pour 20 kopecks, ce qui vaut 1 rouble. Oh, tu vois les choses en noir. Pas le moins du monde, dit tristement Lévin, au moment où ils approchaient de la maison. Une télègue solide et solidement attelée d'un cheval bien nourri était arrêtée devant le perron. Le gros commis de l'ébénine, serré dans son cafetan, tenait les rênes. Le marchand lui-même était déjà entré dans la maison et vint au-devant des 2 amis à la porte du vestibule. L'ébénine était un homme d'âge moyen, grand et maigre, portant moustache. Son menton proéminent était rasé, il avait les yeux ternes, et à fleur de tête. Vêtu d'une longue redingote bleu foncé, avec des boutons placés très bas par derrière, il portait des bottes hautes et par-dessus ses bottes de grandes galoches. Il s'avança vers les arrivants avec un sourire, s'essuyant la figure avec son mouchoir et cherchant à serrer sa redingote qui n'en avait aucun besoin. Puis il tendit à Stepan Arkadievitch une main qui semblait vouloir attraper quelque chose. « Ah, vous voilà arrivé, » dit Stepan Arkadievitch en lui donnant la main. « C'est fort bien. »« Je n'aurais pas osé désobéir aux ordres de votre Excellence, quoique les chemins soient bien mauvais. Positivement, j'ai fait la route à pied, mais je suis venu au jour fixé. »« Mais hommage, Konstantin Dmitritch, » dit-il en se tournant vers Lévin, avec l'intention d'attraper aussi sa main. Mais celui-ci eut l'air de ne pas remarquer ce geste et sortit tranquillement les bécasses de son carnier. « Ah, vous vous êtes diverti à chasser. Quel oiseau est-ce donc ?» ajouta l'ébénine en regardant les bécasses avec mépris. « Quel goût cela a-t-il » Et il hocha la tête d'un air désapprobateur, comme s'il eût éprouvé des doutes sur la possibilité d'apprêter pour le rendre mangeable un volatile pareil. Veux-tu passer dans mon cabinet? Dit Lévin en français. Entrez dans mon cabinet, vous y discuterez mieux votre affaire. Oh, cela vous conviendra, répondit le marchand sur un ton de suffisance dédaigneuse, voulant bien faire comprendre que si d'autres pouvaient éprouver les difficultés à conclure une affaire, lui, il n'en connaissait jamais. Dans le cabinet, l'ébénine chercha machinalement des yeux l'image sainte, mais l'ayant trouvée, il ne se signa pas. Il jeta un regard sur les bibliothèques et les rayons chargés de livres, du même air de doute et de dédain qu'il avait eu pour l'abbé Casse. « Eh bien, avez-vous apporté l'argent ?» demanda Stéphane Arkadievitch. « Non, nous ne serons pas en retard pour l'argent, mais nous sommes venus causer un peu. « Qu'avons-nous à causer ? Mais asseyez-vous donc. « On peut bien s'asseoir, » dit le Bénin en s'asseyant et en s'appuyant au dossier d'un fauteuil de la façon la plus incommode. Il faut céder quelque chose, prince. Ce serait péché que de ne pas le faire. Quant à l'argent, il est tout prêt définitivement jusqu'au dernier copec. De ce côté-là, il n'y aura pas de retard. Lévine, qui rangeait son fusil dans une armoire et s'apprêtait à quitter la chambre, s'arrêta aux dernières paroles du marchand. Vous achetez le bois à vil prix, dit-il. Il est venu me trouver trop tard. Je l'aurais engagé à en demander beaucoup plus. Rébénine se leva et toisa Lévine en souriant. Constantin Dmitritch est très serré, dit-il en s'adressant à Stéphane Arkadievitch. On n'achète définitivement rien avec lui. Je marchandais son froment et je donnais un beau prix. Pourquoi vous ferais-je cadeau de mon bien? Je ne l'ai ni trouvé ni volé. « Faites excuse, par le temps qui court, il est absolument impossible de voler. Tout se fait par le temps qui court honnêtement et ouvertement. Qui donc pourrait voler? Nous avons parlé honorablement. Le bois est trop cher. Je ne joindrai pas les deux bouts. Je dois prier le prince de céder quelque peu. » Mais votre affaire est-elle conclue ou ne l'est-elle pas? Si elle est conclue, il n'y a plus à marchander. Si elle ne l'est pas, c'est moi qui achète le bois. Le sourire disparut des lèvres de Rébénine. Une expression d'oiseau de proie, rapace et cruel, l'y remplaça. De ses doigts osseux, il déboutonna aussitôt sa redingote, offrant au regard sa chemise, son gilet aux boutons de cuivre, sa chaîne de montre, et il retira de son sein un gros portefeuille usé. « Le bois est à moi, s'il vous plaît. » Et il fit rapidement un signe de croix et tendit sa main. « Prends mon argent, je prends ton bois. » Voilà comment Rébénine entend les affaires. Il ne compte pas ses copecs, brouilla-t-il, tout en agitant son portefeuille d'un air mécontent. « À ta place, je ne me presserai pas, » dit Lévine. « Mais je lui ai donné ma parole, » dit Oblonsky étonné. Lévine sortit de la chambre en fermant violemment la porte. Le marchand le regarda sortir et hocha la tête en souriant. « Tout ça, c'est un effet de jeunesse, définitivement un pur enfantillage. » Croyez-moi, j'achète pour ainsi dire, pour la gloire, et parce que je veux qu'on dise « C'est Rébénine qui a acheté la forêt d'Oblonsky, Dieu sait si je m'en tirerai. Veuillez m'écrire nos petites conventions. » Une heure plus tard, le marchand s'en retournait chez lui dans sa télègue, bien enveloppé de sa fourrure avec son marché en poche. « Oh, ces messieurs, » dit-il à son commis, « toujours la même histoire. »« Eh, comme cela, » répondit le commis en lui cédant les rênes pour accrocher le tablier de cuir du véhicule. « Et par rapport à l'achat, Michel Ignatich, Stéphane Arkadievitch rentra au salon, les poches bourrées de liasses de billets, n'ayant cours que dans 3 mois, mais que le marchand réussit à lui faire prendre en acompte. Sa vente était conclue, il tenait l'argent en portefeuille, la chasse avait été bonne, il était donc parfaitement heureux et content, et aurait voulu distraire son ami de la tristesse qui l'envahissait. Une journée si bien commencée devait se terminer de même. Mais Lévine, Quelque désir qu'il eût de se montrer aimable et prévenant pour son hôte ne pouvait chasser sa méchante humeur. L'espèce d'ivresse qu'il éprouva en apprenant que Kitty n'était pas mariée fut de courte durée. Pas mariée et malade, malade d'amour peut-être pour celui qui la dédaignait. C'était presque une injure personnelle. Vronsky n'avait-il pas en quelque sorte acquis le droit de le mépriser, lui, Lévin, puisqu'il dédaignait celle qu'il avait repoussée? C'était donc un ennemi. Il ne raisonnait pas cette impression, mais se sentait blessé, froissé, mécontent de tout, et particulièrement de cette absurde vente de forêt qui s'était faite sous son toit sans qu'il pût empêcher Oblomski de se laisser tromper. « Eh bien, est-ce fini ?» dit-il en venant au-devant de Stéphane Arkadievitch. « Veux-tu souper ?»« Mais pas de refus. Quel appétit on a à la campagne, c'est étonnant. Pourquoi n'as-tu pas offert un morceau à Révénine ?»« Ah, que le diable l'emporte. Sais-tu que ta manière d'être avec lui m'étonne ?»« Tu ne lui as même pas donné la main, pourquoi ?»« Parce que je ne la donne pas à mon domestique. » Et mon domestique vaut 100 fois mieux que lui. Quelles idées arriérées! Et la fusion des classes, qu'en fais-tu? Oh, j'abandonne cette fusion aux personnes à qui elle est agréable. Quant à moi, elle me dégoûte. Décidément, tu es un rétrograde. À vrai dire, je ne me suis jamais demandé ce que j'étais. Je suis tout bonnement Constantin Lévin, rien de plus. « Et Constantin Lévin de bien mauvaise humeur, » dit en souriant Oblonsky. « C'est vrai, oui, et c'est du pourquoi, à cause de cette vente ridicule, excuse le mot. » Stepan Arkadievitch prit un air d'innocence calomnié et répondit par une grimace plaisante. « Voyons, quand quelqu'un a-t-il vendu n'importe quoi sans qu'on lui dise aussitôt « Vous auriez pu vendre plus cher ?» Et personne ne songe à offrir ces beaux prix avant la vente. Non, je vois que tu as une dent contre cette infortunée Rébénine. C'est possible, et je te dirai pourquoi. Tu vas me traiter encore d'arriéré et me donner quelques vilains noms, mais je ne puis m'empêcher de m'affliger en voyant la noblesse, cette noblesse à laquelle, en dépit de la fusion des classes, je suis heureux d'appartenir, allant toujours s'appauvrissant. Si, encore, cet appauvrissement tenait à des prodigalités, à une vie trop large, je ne dirais rien. Vivre en grand seigneur, c'est affaire aux nobles, et eux seuls s'y entendent. Aussi, ne suis-je pas froissé de voir les paysans acheter nos terres? Le propriétaire ne fait rien, le paysan travaille. Il est juste que le travailleur prennent la place de celui qui reste oisif, c'est dans l'ordre. Mais ce qui me vexe et m'afflige, c'est de voir dépouiller la noblesse par l'effet, comment dirais-je, de son innocence. Ici, c'est un fermier polonais qui achète à moitié prix d'une dame qui habite Nice une superbe terre. Là, c'est un marchand qui prend en ferme pour 1 rouble la Dessiatine, ce qui en vaut 10. Aujourd'hui, c'est toi qui, sans rime ni raison, fais à ce coquin un cadeau d'une 30 000 roubles. Eh bien, après, fallait-il compter mes arbres un à un? Certainement. Si tu ne les as pas comptés, sois sûr que le marchand l'a fait pour toi. Et ses enfants auront le moyen de vivre et de s'instruire, ce que les tiens n'auront peut-être pas. Que veux-tu, à mes yeux, il y a mesquinerie à cette façon de calculer. Nous avons nos affaires, ils ont les leurs, et il faut bien qu'ils fassent leurs bénéfices. Au demeurant, c'est une chose sur laquelle il n'y a plus à revenir. Ah, et voilà mon omelette favorite qui arrive. Puis Agathe Mikhailovna nous donnera certainement un verre de sa bonne eau de vie. Stepan Arkadievitch se mit à table, plaisanta gaiement à Agathe Mikhailovna et assura n'avoir pas mangé longtemps un dîner et un souper pareil. Au moins, vous avez, vous, une bonne parole à donner, dit Agathe Mikhailovna, tandis que Konstantin Dmitritch ne trouva-t-il qu'une croûte de pain, la mangerait sans rien dire et s'en irait. Lévin, malgré ses efforts pour dominer son humeur triste et sombre, restait morose. Il y avait une question qu'il ne se décidait pas à faire, ne trouvant ni l'occasion de la poser à son ami, ni la forme à lui donner. Stepan Arkadievitch était rentré dans sa chambre, s'était déshabillé, lavé, revêtu d'une belle chemise tuyautée, et enfin couché, que Lévin rôdait encore autour de lui, causant de cent bagatelles, sans avoir le courage de demander ce qui lui tenait à cœur. Comme c'est bien arrangé, dit-il en sortant dans du papier qu'il enveloppait un morceau de savon parfumé. Attention d'Agathe Mikhailovna, dont Oblonsky ne profitait pas. Regarde donc, c'est vraiment une œuvre d'art. Oui, tout se perfectionne dans notre temps, dit Stepan Arkadievitch, avec un bâillement plein de béatitude. Les théâtres, par exemple, et bâillant encore. Ces amusantes lumières électriques. Oui, les lumières électriques, répéta Lévin. Et ce Vronsky, où est-il maintenant? Demanda-t-il tout à coup en déposant son savon. Ah, Vronsky, dit Stepan Arkadievitch en cessant de bâiller, il est à Pétersbourg. Il est parti peu après toi et n'est plus revenu à Moscou. Sais-tu, Kostia, continua-t-il, en s'accoudant à la table placée près de son lit et en appuyant sur sa main un visage qu'éclairait comme deux étoiles, ses yeux caressants et un peu somnolents, si tu veux que je te dise, tu es en partie coupable de toute cette histoire. Tu as eu peur d'un rival, et je te répète ce que je te disais alors. Je ne sais lequel de vous deux avait le plus de chance. Pourquoi n'avoir pas été de l'avant? Je te disais bien que... Il bâilla intérieurement, tâchant de ne pas ouvrir la bouche. Mais sait-il ou ne sait-il pas la démarche que j'ai faite? Se demanda Lévin en le regardant. Il y a de la ruse et de la diplomatie dans sa physionomie. Et se sentant rougir, il regarda Oblonsky sans parler. Si elle a éprouvé un sentiment quelconque, continua celui-ci, c'était un entraînement très superficiel, un éblouissement de cette haute aristocratie et de cette position dans le monde. Éblouissement que sa mère a subi plus qu'elle. Lévin fronça le sourcil. L'injure du refus lui revint au cœur comme une blessure toute fraîche. Heureusement, il était chez lui, dans sa propre maison, et chez soi, on se sent plus fort. Ah, attends, attends, répondait-il. Tu parles d'aristocratie. Peux-tu me dire en quoi consiste celle de Vronsky ou de tout autre et en quoi elle autorise le mépris que l'on a eu de moi? Tu le considères comme un aristocrate? Je ne suis pas de cet avis. Un homme dont le père est sorti de la poussière grâce à l'intrigue, dont la mère a été en liaison, Dieu sait avec qui, oh non! Les aristocrates sont pour moi des hommes qui peuvent montrer dans leur passé trois ou quatre générations honnêtes, appartenant aux classes les plus cultivées. Ne parlons pas de dons intellectuels remarquables, c'est une autre affaire. N'ayant jamais fait de platitude devant personne, et n'ayant eu besoin de personne, comme mon père et mon grand-père, et je connais beaucoup de familles semblables. Pour toi, tu fais des cadeaux de 30 000 roubles à un coquin, et tu me trouves mesquin de compter mes arbres. Mais tu recevras des appointements, et que sais-je encore, ce que je ne ferai jamais. Voilà pourquoi j'apprécie ce que m'a laissé mon père et ce que me donne mon travail. Et je dis que c'est nous qui sommes les aristocrates, et non pas ceux qui vivent aux dépens des puissants de ce monde et qui se laissent acheter pour 20 kopecks. Mais à qui en as-tu? Mais je suis de ton avis, répondit gaiement Oblonsky en s'amusant de la sortie de son ami tout en sentant qu'elle le visait. Tu n'es pas juste pour Bronski. Mais il n'est pas question de lui. Je te le dis franchement, à ta place, je partirai pour Moscou et... Oh non, non, je ne sais si tu as eu connaissance de ce qui s'est passé, et du reste cela m'est égal. J'ai demandé Catherine Alexandrovna, et j'ai reçu un refus qui me rend son souvenir pénible et humiliant. Pourquoi cela? Mais quelle folie! Non, n'en parlons plus. Excuse-moi si tu m'as trouvé malhonnête avec toi. Maintenant tout est expliqué. Et reprenant ses allures ordinaires, tu ne m'en veux pas, Stiva, je t'en prie. Ne me garde pas rancune, dit-il en lui prenant la main. Non, je n'y songe pas, je suis bien aise au contraire, que nous nous soyons ouverts l'un à l'autre. Et sais-tu, la chasse est bonne le matin. Si nous y retournions, je me passerai bien de dormir et j'irai ensuite tout droit à la gare. Ah ben, parfaitement.